Psaume numéro 56. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi, je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, mon adversaire a blasphémé. Que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions et gisant parmi des bêtes féroces. Ils ont pour langue une arme tranchante, pour dents des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes dans tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuées. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre.